Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, le direct de 18h à 19h sur Radio Guémozo 107FM. Et le thème de ce soir, hein, on va un peu continuer dans la veine de la nature, des plantes, de l'écologie bien entendu, vu qu'on va parler de cosmétiques naturels à base de plantes avec Valérie Petit-Demange de l'entreprise Le Millepertuis. Bonjour Valérie. Bonjour Lou. Alors avant toute chose, dis-moi, Le Millepertuis, depuis quand ça existe ton activité ? J'ai démarré en 2015, février 2015, je crois, oui. En février 2015, ouais. Et pourquoi avoir choisi le nom Le Millepertuis ? Alors, ça a failli s'appeler la Reine des Prés, parce que j'ai un champ de Reine des Prés qui pousse naturellement, en fait. Et au dernier moment, c'est un petit peu comme quand on choisit le prénom des enfants, paf, c'est parti sur le Millepertuis. Pourquoi ? J'y ai jamais trop réfléchi. Pour autant, le Millepertuis, c'est une superbe plante avec un spectre d'action très très large. Et du coup, c'est un super nom pour l'entreprise, voilà aussi. Et d'ailleurs, ton activité, même si je l'ai dit un petit peu en intro, est-ce que tu peux peut-être développer un petit peu sur en quoi, en fait, ça consiste l'activité du Millepertuis ? Alors, l'activité du Millepertuis, on est en plein dans l'agriculture. Donc, ça consiste à cultiver des plantes aromatiques, médicinales, et puis les transformer. Donc, les transformer en tisane, en aromate, et surtout en crème de soins naturelle. Donc, il y a une grande partie de culture. La transformation prend du temps, bien sûr, mais c'est essentiellement la culture qui est le cœur de l'activité. On a 80% de culture, en fait, hein, sur l'activité d'entreprise. Donc, si j'ai bien compris, tu as beaucoup de champs. Vu que tu es sur la culture, c'est bien ça ? J'ai un demi-hectare, en fait, en surface cultivée. Et qu'est-ce que tu cultives, en fait, dans ce un demi-hectare ? Je dirais qu'il y a une quarantaine de plantes à peu près, enfin, c'est variable d'une année à l'autre, c'est jamais trop la même chose d'une année à l'autre, c'est un peu selon les caprices de la nature, vu que je réimplante en prairie, donc il y a des plantes qui viennent, qui disparaissent, mais c'est essentiellement des aromatiques, des médicinales, qui vont pouvoir donner lieu à une transformation sur des cosmétiques. Et dis-moi, vu que après tu en fais des cosmétiques, donc des crèmes et des tisanes, mais quelle est la variété des produits que tu proposes ? Alors en tisane, je dois avoir en pleine saison, je dois avoir, je ne sais pas, une quinzaine de plantes à peu près. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est 20 finalement, je ne sais pas exactement. En tout cas, en plantes séchées, voilà, peut-être 25, enfin entre 15 et 25 peut-être. Et après, en crème de soins, j'en ai trois. Une en réflexion pour le moment, mais trois crèmes différentes avec des spectres d'action différents aussi chacun. Et avant de parler des spectres d'action de tes crèmes, pardon, j'aimerais peut-être qu'on revienne un petit peu sur le spectre d'action des plantes, mais peut-être avant encore sur ton parcours à toi, en fait. Qu'est-ce qui t'a mené, en fait, à travailler avec les plantes ? Les plantes, ça a toujours été quelque chose qui a fait partie de moi, en fait, je peux le dire. J'ai toujours habité la campagne, déjà, pour commencer. C'est important, parce que j'ai toujours eu un contact avec les plantes, de quelque nature qu'elles soient. Oui, j'ai toujours vécu, finalement, un petit peu dans les champs, dans les arbres. Enfin, voilà, c'était une vie d'enfant en plein air. Et ça m'a rapproché de la nature. Et j'en ai toujours gardé un bon souvenir. Et surtout, le contact est toujours très bénéfique pour moi. Et il y a un moment dans ma vie où j'ai eu tendance à faire autre chose que me mettre en contact avec la nature. Mais j'y suis revenue. Voilà, et j'y suis revenue en 2015. Parce que c'est capital pour moi d'être au contact de la terre et de toute la végétation qui pousse, quoi. Bien sûr, et pour en fait faire ce que tu fais, j'imagine que tu as dû suivre une formation. Oui, alors j'ai dû me former donc dans une école. J'ai fait ça par correspondance pendant que j'étais en poste ailleurs. Et donc c'était à l'école de lyonnaise des plantes médicinales. Donc là j'ai appris les composants des plantes et leurs propriétés. Voilà, donc c'était un début en fait. Après j'ai beaucoup de documentation sur plusieurs années en fait, un chemin un peu autodidacte pour pouvoir compléter ce que l'école m'avait appris. Et le reste, la culture, et ben ça se fait sur place. Oui, sur place, tu l'as appris aussi au fil de tes expériences. Mais il me semble que, si j'avais bien compris ce que tu m'avais dit aussi, pour te lancer et pour vraiment avoir le label cosmétique, il a fallu que tu sois assistée par un autre professionnel. Oui, alors, pour faire des cosmétiques et pour mettre au jour un laboratoire de cosmétiques, la loi exige plusieurs critères, dont l'un est d'avoir un diplôme soit de pharmacien ou de docteur en chimie ou docteur en médecine. Diplôme que je n'ai pas moi, donc j'ai dû me faire accompagner par un docteur en pharmacie et un docteur en biochimie. Donc ça, c'était pour la création des trois premiers produits. Donc il y a tout un tas de déclarations à faire à l'Agence nationale de sécurité du médicament. Même si on n'est pas dans du médicament, ça passe par là quand même. Après, il y a tout ce qui est la DGCCRF, les fraudes, enfin tout ça. Il faut les centres antipoisons. Il y a tout un tas de normes à respecter qui sont assez serrées et de plus en plus serrées d'ailleurs. Et oui, donc deux professionnels de... donc un de la santé et l'autre en biochimie m'ont accompagné dans la création du laboratoire, quoi, et des produits. Oui, parce que dans tes cosmétiques, tu as dit qu'il faut quand même mettre au parfum le centre antipoison et tout ce qui va avec. Pourtant, il ne me semble pas, hein, ça peut sembler être une question un peu idiote, mais il ne me semble pas que tu aies des produits dangereux dans tes cosmétiques. Non, pour autant, lorsqu'on touche un produit... cosmétiques ou de santé, c'est comme pour l'alimentation finalement. Il y a des gens qui vont pouvoir peut-être se déclarer des allergies avec un des composants, par exemple, de la crème. On travaille avec des plantes, donc les plantes contiennent des allergènes naturels. Et il y a de plus en plus de cas d'allergies aujourd'hui, même aux plantes. Et c'est en ce sens-là donc qu'il faut... qu'il faut légiférer, je dirais, et puis surveiller un peu ce que les producteurs font. Mais il n'y a pas rien que les allergènes présents dans les plantes naturellement. C'est pas les pires, je dirais, les pires produits surveillés. Le pire, c'est les molécules issues de l'industrie pharmaceutique qu'on peut ajouter dans les compositions, dans les formules. Oui, ce qui n'est... Par exemple, du phénoxyéthanol, c'est des molécules, c'est des perturbateurs endocriniens, des choses comme ça. Et tout ça, c'est légiféré. Alors moi, je ne mets pas tout ça parce que je m'y réfuse, ce n'est pas dans mon éthique du tout. Mais il faut savoir qu'en cosmétique, on a le droit de mettre pas mal de molécules qui sont quand même dans le collimateur de beaucoup d'organisations. qui veillent à la santé, quoi. Oui, parce qu'après tout, tout ce qui, tout ce qui touche à, au corps, a un impact et puis finit dans l'environnement. Enfin, un exemple très bête, hein, les pilules contraceptives qui rejettent après des hormones dans l'eau. C'est un exemple un peu à deux balles, mais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes encore, j'imagine, qui prennent la pilule. Donc, j'imagine que toi, en tout cas, dans ta philosophie de travail, tu évites autant que possible d'utiliser des produits qui ont un impact sur le corps et après sur la nature. Oui, les deux. Alors, il n'y a pas un avant, il n'y a pas un après. En fait, c'est il y a des produits qui sont utilisés en agriculture. Et on va parler des produits phytosanitaires que l'agriculture conventionnelle utilise. Et ces produits-là peuvent être aussi nocifs pour l'environnement que pour la santé humaine. Oui. Effectivement, si on cultive des plantes avec des produits qui passent dans la plante, ça passe ensuite, selon l'utilisation qu'on en fait, ça peut passer ensuite dans nos cellules de corps humain, quoi. Et là, effectivement, moi, je me refuse à utiliser tout pesticide, finalement, même pesticide à base de plantes. Les pesticides à base de plantes, c'est les purins d'ortie, les purins de consoude. Ils ont un impact aussi sur l'environnement, il faut le savoir. En agriculture biologique, par exemple, les producteurs vont utiliser des préparations à base de soufre. Et ça aussi, c'est un impact. Ou alors à base de cuivre, c'est un impact sur le sol et sur les plantes aussi. Donc tout ça, moi, je n'utilise pas tout ça. Je mets rien, en fait, dans la culture. Je ne travaille pas le sol non plus. Enfin, disons que j'ai une manière de le travailler sans le détruire. Et donc, cette manière de travailler avec les plantes, ça fait que tu as un certain label écologique, un label vert, un label bio ? Non. Question label, j'y réfléchis pendant 3 ans. Donc, j'ai bien étudié tous les labels qui se proposent sur le marché aujourd'hui. Le bio, c'est bien, c'est bien. Il n'y a rien à redire contre. Je suis même pour. En revanche, moi, je n'estime pas qu'il soit normal que lorsqu'on ne pollue pas, entre guillemets, on doive payer pour le dire. Je ne trouve pas ça logique. C'est un peu un monde à l'envers pour moi. Et du coup, au bout de 3 ans de balance, en fait. J'ai pesé le pour et le contre, et maintenant je me refuse tout simplement à adhérer et à payer pour obtenir un label. Mes clients le savent très bien, ils viennent voir la production, on voit qu'il y a que j'utilise pas de produits phytosanitaires polluants, ou de toute façon en plantes médicinales ou aromatiques, il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit, sauf si on tend vers l'intensif, et c'est pas la chose que je fais. Donc non, des labels, j'en veux pas. J'en veux pas. Il y en a des très intéressants. Déméter, par exemple, c'est un label qui m'apparaît comme le plus restrictif, déjà. Ensuite, c'est toujours sur le même principe. Pourquoi aller... Le monde, il devrait pas être comme ça. Non, en effet. Et d'ailleurs, il y a une question qui me vient à l'esprit, parce que c'est une question qui devient préoccupante de nos jours. J'imagine que tes cosmétiques ne sont pas testés sur animaux. Non. Et est-ce qu'ils sont alors peut-être véganes ? Oui, dans le sens où... bon, vegan, en général, on utilise ce mot-là pour dire qu'on pourrait en manger, finalement. C'est plutôt utilisé dans l'alimentation, quoi, vegan. Encore que, ouais. Mes cosmétiques sont dites 100% naturelles, c'est-à-dire que tous les composants sont soit directement naturels, soit issus d'éléments naturels. Donc tout provient des plantes. Je travaille sur une base d'huile d'olive, on met les plantes en macération, donc des plantes fraîches ou sèches, on les met en macération dans l'huile d'olive, macération solaire, Et c'est un système qui permet, en fait, c'est un système d'extraction des actifs de la plante. Donc après, on passe à un filtrage et on a récupéré dans l'huile d'olive tous les actifs dont on a besoin pour créer la base de la crème. Dans chaque formule, à peu près, j'ai 40 à 50% d'eau. Ça dépend de la formule. Et puis, j'ai 1% d'huile essentielle. L'huile essentielle va me servir à quoi ? Ce sont des huiles essentielles que je ne produis pas moi-même. Je n'ai pas assez de surface ni assez de production pour pouvoir produire des huiles essentielles. Mais c'est des huiles essentielles bio que j'utilise, avec beaucoup de contrôle dessus. Et ces huiles essentielles, dans les formules, vont me servir de parfum, donc parfum naturel, et puis de conservateur. Voilà, donc antifongique, antibactérien. Donc les crèmes sont dites 100% naturelles, oui, issues de plantes. Issues de plantes, et comme tu l'as dit, il n'y a que des éléments végétaux dedans. C'est ça. Donc oui, autant dire que tu fais des cosmétiques véganes. Ouais, j'aurais pas pensé à ça, mais... Effectivement, oui. C'est une question qui devient pourtant préoccupante de nos jours. Mais après avoir tant rêvé de chercher partout des cosmétiques véganes dans le coin, c'est bon, j'ai trouvé. Donc on va pouvoir se laisser aller à des rêveries. Et c'est le titre de la première pause musicale que tu as choisi. Il s'agit du morceau Dreams de Alice Smith. Alors on s'écoute cette pause musicale et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. When I wake up in the morning time, I like to see you sleeping by my side. I think about the nights we had before. Wanna give you this and more, let you know I truly adore you. Being with you, loving you, that's why you're so sweet. When you kiss me, you're making my knees go weak. We could be forever happy through rain or whatever. Never gonna take the fantasy away from you. I need to be everything you see. In days my heart never made a sound. Now it's beating loud, my head's in the clouds. Never doubt that I'ma always be down to hang around you. You're making me feel so good inside. Way I feel when you're loving me makes me wanna cry. All the strength for the things you do make my love dream come true. Moving me to tell you that I love you. Every night and all through the day. De retour sur Radio Guémouzo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, et vous venez à l'instant d'écouter le titre Dreams de Alice Smith. Si vous voulez réagir à l'émission, vu qu'après tout c'est tout à fait possible pour parler de cosmétiques naturels, vous pouvez sans problème nous envoyer un petit message sur notre page Facebook Radio Guémouzo, ou vous pouvez aussi nous passer un coup de fil au 03 29 62 40 40. Et puis on est toujours avec toi Valérie pour parler de tes cosmétiques naturels, un petit peu fait maison, même si c'est ton activité, mais si j'ai bien compris, c'est vraiment à partir de produits simples et naturels. Et même, oulala, tu fais quand même si t'as pas le label, tu fais des produits véganes, et je pense que c'est bien de le souligner. Et on a parlé de ta gamme de cosmétiques et un petit peu de tes labels. Je pense qu'on a fait un petit point valeur, sauf si tu veux revenir un petit peu sur sur les valeurs qu'on n'a peut-être pas mentionnées. Après, oui, il y a quelque chose qui serait intéressant de mettre en avant, c'est que je suis inscrite dans une éthique de protection des sols et d'agriculture de conservation, en fait. Donc ça consiste en quoi ? Ça consiste à cultiver, donc, sans, en ayant toujours à l'esprit que tout acte qu'on puisse faire sur la terre en cultivant a une conséquence, bonne ou mauvaise, pour l'avenir du sol et de la terre. Donc il faut toujours, dans mon éthique, être vigilant par rapport aux actions qu'on mène dans la culture pour ne pas détruire la vie qui est dans le sol. Pour ma part, moi j'avais repris un sol qui était, on peut le qualifier de mort. Il y a eu de l'agriculture conventionnelle avant que je recultive là-dessus. Donc agriculture conventionnelle, c'est quoi ? C'est une année du maïs, une année du blé, une année du colza, et puis ainsi de suite, ad vitam aeternam, avec des labours profonds. Donc on incise la terre profondément, on retourne tout, enfin on détruit tout, quoi, finalement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la terre, il y a des strates de vie, et puis il y a un nombre incalculable d'habitants, si on peut dire. Et ces habitants-là vont faire en sorte que la terre, quand on n'y touche pas, crée la fertilité du sol, finalement. Donc d'une façon tout à fait simple et naturelle, la nature crée la fertilité toute seule. L'être humain, lui, surtout les agriculteurs conventionnels, aujourd'hui, font tout l'inverse de ce que la nature fait pour créer la fertilité. Donc il faut, j'ai toujours à l'esprit cette notion-là, de savoir que à chaque fois que je touche quelque chose, eh bien il y a une conséquence derrière. Et alors bien sûr, on ne connaît pas toujours la conséquence, parce que si je savais tout, ce serait magnifique, n'est-ce pas ? Mais pour l'instant, je suis plutôt dans l'expérimentation. Et donc il est important, avant de mettre en place des structures, des techniques, des méthodes à grande échelle, de les tester sur des petites échelles, pour voir à peu près comment ça réagit, quoi. C'est ce que je m'efforce de faire dans le peu de surface que je cultive. ça permet d'avoir une vision après sur le futur. Il faut savoir ce qu'on veut pour le futur, quoi. Est-ce qu'on veut vivre sur une planète où on va manger, je sais pas quoi d'ailleurs, si on continue comme aujourd'hui, je sais pas trop ce qu'on va manger. Des cailloux. On va peut-être, sucer des cailloux, voilà. Notre morphologie n'est pas faite pour ça encore. Voilà, mais si on continue comme ça, on va dans le mur. Donc il arrive un moment, il faut vraiment se réveiller. On n'a plus le choix aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'alerter vraiment pour signaler aux gens que voilà, aujourd'hui on a tout bon, tout cru dans la bouche comme ça, c'est sympa, enfin tout bon entre guillemets, parce que finalement c'est pas tout bon. Quand on regarde les valeurs nutritionnelles des légumes qu'on nous sert aujourd'hui en supermarché ou ailleurs, enfin, on se rend compte qu'il y a une déperdition de nutriments absolument énorme. Donc c'est pas tout bon. Et puis en plus, maintenant, il y a des pesticides dedans. Donc voilà, dans des cocktails un petit peu cancérigènes. Enfin bon, c'est un petit peu dramatique tout ça, mais malheureusement, c'est la vérité. Et si on veut offrir autre chose aux générations futures, quelque chose de meilleur, eh bien en fait, il faut revoir nos méthodes de culture. Il faut vraiment que l'agriculture arrive à se passer aujourd'hui des intrants, des intrants issus d'entreprises comme Monsanto, Bayer, tous ces semeurs de mort, quoi, en fait. C'est des entreprises qui sèment la mort partout où elles passent. Et il faut réussir à se détacher de ça. Alors, je sais qu'il faut du courage pour les agriculteurs conventionnels. Il faut du courage pour lâcher tout ça, parce que ça demande beaucoup de transformation d'un point de vue psychologique chez l'agriculteur, mais aussi technique. Et puis, des nouvelles méthodes, il faut apprendre. Voilà. Il faut désapprendre ce qu'on a appris, qui n'était pas terrible. Et maintenant, il faut réapprendre des nouvelles choses qui puissent être porteuses pour l'avenir. En effet. Et d'ailleurs, dis-moi, tu as légèrement piqué ma curiosité, même si je pense peut-être connaître la réponse. Comme tu dis, tu cultives des plantes, mais comment tu fais ? Tu sèmes des graines dans un champ et tu les laisses pousser sans labourer ou sans arroser spécialement ? Alors, ma façon de cultiver, elle est inspirée de la permaculture. La permaculture, c'est quoi ? C'est dire... grosso modo, parce que c'est tellement large comme sujet, c'est dire que le sol doit toujours être couvert. Et spécifiquement, couvert, pas forcément de paillage, comme on peut l'entendre, d'une façon très réductrice. Ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est la permaculture, c'est... voilà, on balance de la paille sur le sol, on met des graines en dessous, et hop là, on s'en va, et tout se passe tout seul, tout fonctionne tout seul. Ça, c'est absolument faux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce qu'il faut, ce qui marche mieux, en fait, que mettre juste de la paille sur le sol, c'est avoir une plante en vie dans le sol, tout le temps. Alors, n'importe quelle plante, mais une plante tout le temps. Jamais un sol nu. Et si le sol doit être nu, alors à ce moment-là, si on n'a pas de plante à faire pousser, alors à ce moment-là, on va mettre de la paille, oui. Voilà, donc ma technique est inspirée de ça. Après, selon l'environnement dans lequel on est, et selon la terre et le sous-sol auquel on a affaire, eh bien, il faut de l'inspiration et de la créativité, parce que c'est tellement variable. Moi, je vois sur le demi-hectare que je cultive, il y a des veines caillouteuses, il y a des veines argileuses, il y a des veines sableuses, et tout ça sur un demi-hectare, c'est donc, on n'a pas du tout la même méthode de culture sur une veine caillouteuse que sur une veine argileuse, que sur une veine sableuse. Donc là, oui, donc c'est l'inspiration, c'est la permaculture. Et donc, bien entendu, il y a quelque chose qu'il faut respecter à chaque fois, c'est le non-labour du sol. On ne retourne pas le sol. Dans la vie, dans le sol, il y a des strates de vie organisées, très organisées d'ailleurs. Donc on ne remet pas à la lumière du soleil ce qui vit en bas dans le noir. C'est... si je vous fais vivre dans une cave pendant, je ne sais pas, 10 ans, il y a peu de chances que vous épanouissiez facilement, quoi. Eh bien, les bactéries qui vivent dans le noir, dans le sol, si on les met au soleil, elles meurent. Le labour, c'est ce qu'il fait. Le labour tue toute la vie dans le sol. Donc, il découpe les vers de terre en tronçons. Un ver de terre, une fois qu'il est coupé en deux, il meurt. Et le ver de terre, c'est une condition sine qua non sous nos latitudes, pas en forêt tropicale, mais au moins sous nos latitudes, c'est une condition sine qua non de fertilité des sols. Si le ver de terre n'est pas là, alors on peut dire adieu à toute la porosité naturelle qu'il y a dans le sol. Hein? Voilà. Donc on pourrait en parler, 10 ans, 20 ans, voilà. Donc le principe de base, oui, c'est de ne pas toucher le sol, ou du moins à peine le gratter sur 5 cm pour ne pas perturber la vie dans le sol. Et puis faire en sorte qu'il y ait toujours une culture au sol, hiver, été, automne, printemps, n'importe quelle saison, mais toujours quelque chose de vivant sur le sol qui va produire de la masse végétale et de la masse végétale aérienne, racinaire. Toute cette masse végétale produit, en gros, c'est le frigo de tous les habitants de la Terre. Parce que tu arrives à avoir des plantes été comme hiver, hein? Oui, l'hiver, on met des engrais, ce qu'on appelle des engrais verts, quoi. Enfin, des engrais verts. Des cultures hivernales, par exemple du triticale, c'est, ou du seigle, c'est des céréales d'hiver, en fait. Hein? Ou de la veste. Voilà, oui, des céréales d'hiver qui vont couvrir le sol, mais qui en même temps, par leur développement racinaire, travaillent le sol et contribuent à décompacter le sol et à aérer, à former des galeries pour les plantes suivantes qui vont venir après, quoi, pour l'enracinement des plantes suivantes. Donc tout ça, c'est une organisation, on ne peut pas faire n'importe quoi parce que tout ne pousse pas. Moi, j'ai encore pris des gamelles l'hiver dernier. Et on fait des choses et puis finalement, on se rend compte que la nature, elle ne veut pas de ça du tout. C'est pas faute d'avoir observé. Après, c'est des essais. Voilà. Et il y a des fois, ça marche super bien. Voilà. Pour tout ça, c'est pour faire une belle terre cultivable pour les insectes et les bactéries qui vivent en dessous, pour leur créer un habitat, une maison tout à fait accueillante pour créer la vie. Et ça, c'est le thème de la deuxième pause musicale que tu as choisi, le morceau Home de Mélissa Féric. Donc on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. Sand dune onto a crushed seashell road. We walked barefoot and hungry to your car. The sun took all the salt from my bodies in the air, pulled out our words. There's nothing like being quiet with the one you love. No, there's nothing like being quiet with the one you love. So let's go running, laughing through a summer storm. Fumble up the stairs to find all the windows open. And I'm feeling happy everywhere inside my body. I wanna be where you take me. I adjust because you are love. And love is home. Yes, you are love, and love is home. From across a gossip-filled room, you look at me and just know. By the way I'm gripping on to the chair, by the way I sent the signal, get me out of here. There's nothing like being seen by the one you love. No, there's nothing like being seen by the one you love. So let's go running, laughing through a summer storm. Fumble up the stairs to find all the windows open. And I'm feeling happy everywhere inside my body. I wanna be where you take me. I adjust because you are love. And love is home. love is home. Love is home. So give me slow days filled with ease, gentle breeze, no humidity kind of heat. Resting on your every beat as we walk in time. And I got my back up against nothing. I've got my future looking bright. Oh, it feels like falling in love with you. It's like going into the light with my demons on vacation. You know, my thoughts are free to roam. And I can kiss you without committing treason. I have earned this, baby, because I did my time alone. Yes, I did. Running, laughing through a summer storm. Fumble up the stairs to find all the windows open. And I'm feeling happy everywhere inside my body. I wanna be where you take me. I adjust. Let's go running, laughing through a summer storm. Fumble up the stairs to find all the windows open. And I'm feeling happy everywhere inside my body. I wanna be where you take me. I adjust because we are love. And we are home. Yes, we are love. We are home. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM. Vous venez à l'instant d'écouter le morceau Home de Mélissa Féric et toujours avec Valérie Petit-Demange, alias Valérie, pour parler de tes cosmétiques, de ton entreprise Le Millepertuis. On a parlé quand même à un moment en deuxième partie d'émission de la culture, de la manière dont tu cultives. Et aussi on a fait un gros point permaculture parce que c'est vrai, t'as raison, c'est un peu vaste et même moi parfois j'ai un peu de mal à comprendre et à cerner ce que c'est. Donc au moins merci, grâce à toi, je comprends beaucoup mieux le principe de la permaculture. Et si un auditeur a envie de réagir à l'émission, c'est sans problème sur notre page Facebook Radio Gémozo ou au téléphone au 03 29 62 40 40. On se fera un plaisir de passer votre coucou en live ou simplement de répondre aux questions que vous vous posez. Comme on a parlé, hein, tu as quand même un demi-hectare de champs cultivables. Tu as dit aussi en début d'émission que tu cultives environ une quarantaine de plantes qui ont des vertus aromatiques et ou médicinales. Je pense que ce serait peut-être bien de cibler un petit peu les différentes plantes que tu travailles ou certaines d'entre elles avec leurs vertus et dans quel cas peut-être les utiliser. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, alors on peut pas parler de toutes les plantes et de toutes leurs vertus. Donc non. On va en prendre, prenons quoi ? L'ortie, voilà. Allez, l'ortie. Allez, on prend l'ortie. C'est une plante en vogue, là, maintenant, à la mode, tout. c'est surtout une plante qui pousse partout, sous nos latitudes. Donc ici, c'est une plante très, très commune. On parle de l'ortie dioïque, donc l'ortie qui pique, hein, parce qu'il y a l'ortie blanche. En fait, c'est la même famille, mais c'est un lamier blanc, donc c'est différent. Elles ont des propriétés différentes aussi, donc... Le lamier blanc, c'est l'ortie qui ne pique pas et qui fait des fleurs blanches. Mais parlons de l'ortie dioïque, qui a des vertus vraiment intéressantes pour beaucoup de choses. C'est une plante, donc déjà à la récolte, on récolte les sommités, donc les six premières feuilles, les pointes en fait, parce que la plante va concentrer l'essentiel de ses nutriments, qu'on utilise, nous, dans notre alimentation, dans cette sommité-là. On peut consommer les graines, les racines, on ne les consomme pas tellement comme ça. Hein. La feuille, on peut en faire un pesto, par exemple. C'est délicieux, c'est aussi... C'est très herbacé, donc l'ortie a un goût assez spécial, mais quand on aime manger les légumes et les plantes, l'ortie c'est vraiment délicieux quoi, en fait. Enfin, il faut avoir le palais rodé à ça, je crois. Donc on peut en faire un pesto, donc à base de feuilles crues, bien sûr. Une fois qu'on l'a cuit, on perd quand même pas mal de trucs, notamment la vitamine C. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ortie, il y a autant de, voire plus, de vitamine C que dans un jus d'orange, par exemple. Donc c'est une plante qui contient énormément de nutriments, et on s'en sert en tisane, ou en pesto, ou en soupe, enfin sous les formes qu'on veut. Bien qu'en soupe il ne faille pas la cuire très longtemps, donc on ne met pas l'ortie dans la casserole au début de cuisson de la soupe, on le met tout à la fin, après cuisson, et on mouline tout, et c'est là qu'on garde le meilleur en fait de la plante. Donc sous quelques formes qu'on la consomme, c'est une plante qui est faite pour les gens anémiés, hein, le manque de fer. Elle contient beaucoup de fer, c'est une plante qui pousse là où la terre est pleine d'azote, est pleine de fer. Donc elle va pomper le fer qu'il y a dans le sol, mais pas seulement le fer, elle pompe aussi les métaux lourds. Donc attention où on va la récolter. Il y a des sites pollués aux métaux lourds, au plomb, à je sais pas quoi, enfin à plein de trucs très nocifs pour notre santé. Il faut vraiment être sûr du site où on va aller la récolter. En forêt, c'est pas mal parce que normalement, les sites forestiers ne sont pas pollués. Enfin, je dis normalement, loin des villages, en fait. Loin des villages, c'est pas mal. Donc, cette plante est faite pour les anémiques ou alors les gens en convalescence. Elle va booster. Et puis, elle a une particularité, c'est qu'elle aide à reformer les globules rouges aussi. Donc ça, c'est très intéressant dans les anémies. Je crois que c'est Maria Treben aussi, donc c'est une figure de la phytothérapie en fait, cette femme qui disait que avec une teinture mère de racines d'ortie, on peut par exemple arriver à faire repousser les cheveux dans certains cas. Donc les cheveux, bah oui, c'est surtout chez les hommes atteints de calvitie, mais chez les femmes aussi. Donc les femmes anémiées, bien souvent, perdent leurs cheveux aussi, ou après une grossesse, par exemple. Donc c'est des petits remèdes, en fait, qui peuvent être utiles, ou ne serait-ce qu'après un shampoing, par exemple, se rincer les cheveux avec une décoction de feuilles d'ortie ou de racines d'ortie. Voilà, ça aide à reminéraliser un petit peu le corps. Voilà sur l'ortie, on pourrait peut-être parler d'une autre plante, peut-être. Oui, bien sûr. Une plante. Moi, j'aime bien parler des plantes sauvages, en fait. Plus que des plantes cultivées. Les plantes cultivées sont intéressantes, mais les plantes sauvages sont encore plus intéressantes parce qu'elles sont oubliées. Alors, moi, j'aime bien les remettre au goût du jour. Par exemple, dans les visites que j'organise, là, qui ont démarré. Il y a toujours une partie de la visite qui est consacrée aux plantes comestibles sauvages. On peut parler d'une plante, une autre plante, l'égopode par exemple. Ça, c'est une plante qui n'est pas connue du tout. Et en fait, c'est le premier légume du jardin. C'est difficilement explicable en ligne, comme ça, là, sans visuel. Enfin bref, donc c'est... c'est une plante qui mesure, 30-40 cm de haut quand elle n'est pas en fleur. Une fois qu'elle est en fleur, elle peut monter jusqu'à 80 cm. Je crois qu'elle fait partie des ombellifères, il me semble, donc famille de la carotte, ces familles-là. Et donc on la récolte avant floraison, bien qu'elle soit encore comestible après floraison. Et là, c'est une plante qui a un goût de... donc herbacée, mais en plus de persil, céleri et carottes mélangées. Donc c'est une plante sauvage très, très intéressante au niveau gustatif, et en plus elle apporte énormément de calcium, de vitamine C. Donc moi je la consomme régulièrement, notamment au printemps. On peut la cuisiner comme les épinards en fait, les jeunes pousses, voilà. Il y a plein de plantes qu'on peut consommer comme les épinards. Bien que crues, elles soient meilleures à la santé que cuites. Quand on cuit les plantes, on perd toujours une partie de leurs nutriments. Même les légumes, c'est la même chose, quoi. Voilà, légopodes, il y en a plein d'autres, ce qu'on appelle les pecnies dans les Vosges. Alors, je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est une plante qu'on donne aux lapins. Moi, je me souviens, gamine, les voisins nous envoyaient dans les champs courir après cette plante-là pour nourrir les lapins avec. Et en fait, il s'agit de la berce spondyle. Donc, c'est une plante assez robuste, velue. Elle a un goût très particulier. Elle est délicieuse. On l'appelle aussi le brocoli sauvage, puisque quand la fleur va se former, la tige florale se forme, ça a la forme d'un brocoli, pratiquement. Et c'est délicieux, vraiment. Les graines, elles, une fois qu'elles sont formées et en train de sécher sur la plante, vont avoir un goût d'agrumes. Donc, on découvre pas mal de choses très intéressantes sur les plantes étonnantes. Et en même temps, tout ça sont des plantes sauvages, donc bourrées complètement de nutriments qui nous sont utiles. Avec toute notre alimentation, là, qui est carencée complètement et qui font de nous des êtres carencés aussi par le fait, et bien consommer des plantes comestibles sauvages, je crois que c'est une bonne alternative plutôt que courir sur les gélules de je sais pas quoi, de vitamine C ou de calcium, magnésium, toutes ces plantes là très communes qui poussent partout ici. Il suffit juste d'apprendre à les connaître, apprendre à les cuisiner, à les cultiver. Alors, les cultiver, c'est un grand mot parce qu'on ne cultive pas les plantes sauvages, mais en tout cas, on peut les réimplanter, les laisser faire et puis s'en faire un petit coin de potager sauvage, en fait. Et ça, vraiment, c'est au niveau nutrition, je trouve ça très intéressant. Et puis, c'est sympa de se dire, tiens, j'ai mangé une plante sauvage. En effet, mais c'est vrai qu'il faut après apprendre à les identifier. Et apprendre, c'est pas toujours évident tout seul. Alors, je sais pas si ce serait, si tu as pour projet de faire des ateliers d'identification des plantes. Mais il me semble que tu avais fait, fut un temps, des ateliers de fabrication de cosmétiques maison. C'est bien ça? Oui, alors l'an dernier j'ai fait des ateliers de fabrication cosmétique maison, ouais. Donc ça c'est possible, en fait ça consistait à aller chercher les plantes directement, à les cueillir, les reconnaître, savoir les identifier et puis après passer en labo et les transformer et puis donc avec des outils de cuisine basiques en fait, voilà. Et on peut donc faire, chacun peut faire chez soi les cosmétiques de base, je dirais. Un baume hydratant, un baume anti-ride, un baume, je sais pas quoi, enfin pour les lèvres par exemple. On a des moyens comme ça, très simples, de faire beaucoup de cosmétiques, ouais. Et tu en faisais parce que, bon, après tout, hein, tu l'as dit, tu fais des cosmétiques à base de produits très simples, mais j'imagine quand même, comme tu disais, des ustensiles de cuisine normaux. J'imagine que, comme toi, c'est ta profession, hein, profession depuis 2015, tu dois avoir un laboratoire, tu dois avoir, j'imagine, un champ, un laboratoire, une boutique. Oui, je suis effectivement équipée d'un laboratoire pour confectionner des cosmétiques. Il y a une obligation, c'est d'avoir une salle blanche, enfin ce qu'on appelle une salle blanche. C'est pas un bloc opératoire, mais presque en termes d'hygiène, c'est très strict. Donc il y a tout un tas de normes à respecter pour que les bactéries, les champignons, enfin bon, tout ce qui est nocif à notre santé ne prolifèrent pas lors de la transformation des plantes. Donc oui, j'ai un laboratoire, j'ai un séchoir à plantes aussi. Et puis, j'ai une boutique sur place aussi où je vends les produits transformés, oui. Et ces produits, alors on en a parlé avant, hein, tu fais des crèmes et tu fais des tisanes, parce qu'après tout, il y a deux moyens de soigner son corps. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, ceux par lesquels tu passes, c'est en usage externe, donc tes crèmes, et en usage interne, donc pour tes tisanes, ou simplement, ou tu fais d'autres choses aussi. On peut acheter juste des aromates pour les manger comme ça. Oui, oui, oui. J'ai des aromates frais, alors ça, c'est selon saison. Aromates frais, oui, tels que du basilic par exemple, des classiques, hein, de la sarriette, Sarriette, qu'est-ce qui, bon, enfin, je sais pas, du persil, enfin des classiques, des aromatiques classiques, quoi. Hein. Et puis il y a des plantes que je cultive aussi pour leurs pétales, des fleurs donc comestibles. On peut parler de la monarde par exemple. Donc ce sont des plantes intéressantes. La monarde didyma par exemple, c'est une plante issue d'Amérique du Nord au départ, mais largement réimplantée ici. Et les pétales ont une saveur sucrée. Sucrée, mais en même temps proche de la saveur du thym. Donc on a ce mélange un petit peu piquant-sucré, c'est intéressant, floral en même temps. Donc voilà, il y a plein de choses. Je vendais un resto aussi des fleurs comestibles. Un resto bio qui a fermé aujourd'hui, c'est dommage. Voilà, mais il y a beaucoup de restaurateurs maintenant qui recherchent les fleurs parce que ça égaye un plat et puis en même temps ça amène une touche au palais. Oui, en effet, ça, ça tombe bien vu que ça me donne envie de te demander si tu as des collaborations en fait avec d'autres entreprises locales ou des associations. Je travaille en partenariat avec l'Office du Tourisme, donc ça va faire, là c'est la deuxième année, l'Office du Tourisme de Bruyères, donc juste à côté de chez moi. Et on a mis en place des visites via l'Office du Tourisme, ça se passe le lundi, enfin les lundis en période été, en période estivale. Voilà, c'est sur réservation auprès de l'Office du Tourisme. Mais en parlant de visite, hein, tu as quand même une nouveauté dans ta boutique, vu que tu organises aussi, hein, ça je l'ai vu sur ta page Facebook, et on va la donner avant la fin de l'émission. Sur ta page Facebook, tu as indiqué que maintenant tu fais des visites guidées, c'est une nouveauté. Tu le fais les vendredis, samedis et dimanches jusqu'au mois d'octobre. Dis-nous en plus, comment t'es venue cette idée ? Alors en fait, c'est... La plupart des gens que je rencontrais voulaient savoir comment je cultive, comment reconnaître les plantes. Et donc, très vite, en fait, depuis le début, je fais des visites, mais là, j'ai vraiment augmenté le rythme parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Et du coup, maintenant, il y a 4 visites par semaine. Ça fait pas mal déjà. Et les gens sont très intéressés par tout ce qui est plantes sauvages comestibles, mais aussi sur la transformation. Les gens aiment savoir ce qu'ils peuvent faire des plantes communes qu'il y a dans leur environnement, en fait. Et je leur apprends à les identifier. Alors, on ne peut pas tout apprendre comme ça en 2h30. La visite dure 2h30. Mais on voit pas mal de plantes et les gens peuvent rentrer chez eux en sachant quoi faire sans se tromper, quoi faire de cette plante-là ou d'une autre. Et là, oui, c'est quelque chose qui marche bien. Il y a beaucoup de demandes, vraiment. Ces visites-là, c'est sur réservation ? Oui, sur réservation uniquement parce que les groupes sont limités à une quinzaine de personnes. Au-delà de 15, c'est difficilement gérable. Oui, techniquement, c'est un peu embêtant au-delà. Donc, c'est limité à 15. Et puis, à la fin de la visite, il y a un petit goûter donc à base de plantes, à base de plantes du moment. Donc, là, on peut reparler du vegan, oui. En général, je m'arrange toujours pour que ce soit vegan. Voilà. Et est-ce qu'il y a un certain prix ? Parce que bon, c'est quand même du temps. Hein. La société dit le temps, c'est de l'argent. Oui. Mais est-ce que tes visites à toi, c'est vraiment c'est gratuit ou c'est un tarif ? Non, la visite n'est pas gratuite. C'est 3 euros la visite par personne. Oh, ouais. Bon, ça va. Pour 2h30, c'est ça ? Ouais, voilà. Oh, je pense que c'est raisonnable. C'est très raisonnable. Oui, j'ai choisi de ne pas... De ne pas faire payer plus, voilà. Après, c'est pas le but, c'est pas l'enrichissement sur ces visites-là. C'est vraiment de répondre à une demande de, une demande d'infos, quoi, en gros, c'est ça. Voilà. Et après, les gens achètent en boutique ou pas les produits qui les intéressent, voilà. Et moi, ça me permet de faire vivre l'entreprise autrement, oui, en faisant découvrir vraiment ce qui intéresse les gens. Oui, et tes différents produits. Donc, tu as trois crèmes de soins pour le moment, des tisanes, des aromates. Tes crèmes, on peut peut-être rapidement peut-être dire quelles crèmes tu fais et pourquoi. Ouais. Oui. Donc, il y a trois crèmes pour le moment. Donc, une pour tout ce qui est problème de peau. Peau sèche, peau avec démangeaisons, alors démangeaisons de tout genre, dues à une piqûre d'insectes, dues à je sais pas quoi, un urticaire, dues à de l'eczéma, du psoriasis, enfin de la démangeaison. Donc cette crème-là va aider à réparer la peau abîmée et l'hydrate, et puis calme les démangeaisons parce que dedans il y a des plantes antihistaminiques, c'est-à-dire qui coupent la démangeaison. Et comment elle s'appelle ? C'est Dermapèze, cette D'accord. crème-là. Donc elle va aussi bien aussi pour réparer les mains abîmées, enfin tout ce qui est peau sèche, quoi. Une autre crème donc, que je vends à des professionnels de santé, là, des kinés, c'est une base de massage. Donc c'est une crème assez épaisse, assez grasse, puisqu'on est sur du massage. Donc là, la crème... est faite à partir de plantes qui vont donc favoriser la décontraction musculaire, mais aussi apaiser les douleurs articulaires, ligamentaires. Donc ça, c'est une crème que je vends beaucoup aux sportifs, pour l'après-sport, et puis aux kinés, voilà. Après, j'ai une dernière crème, c'est Gambette. Donc Gambette, c'est une crème qui est faite pour les problèmes de jambes, la mauvaise circulation des jambes. Cette crème-là va aider à retrouver une circulation pas normale, mais quasi normale, et va soulager surtout les œdèmes, par exemple, hein, la rétention d'eau. Dedans, il y a de la reine des prés. La reine des prés, c'est une plante de marais qui... une plante d'eau pourtant qui va drainer l'eau dans le corps. Donc voilà, elle va aider à drainer les excès d'eau dans le corps et puis à remettre en place une circulation à peu près bien. Et d'ailleurs, ça c'est une autre question que je me pose, hein, après tout, comme tu as au moins la vertu d'avoir des cosmétiques véganes. Je vois tes emballages ont l'air d'être en plastique, alors qu'advient-il ensuite de tes tubes ? Alors, tout ça, c'est recyclable, en fait. Donc, je les mets... Enfin, c'est recyclable. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas m'en servir. Pour autant, ces flacons-là sont en matière recyclable. Donc, elles vont dans des cycles de recyclage, après, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est limité, encore une fois, l'impact sur l'environnement. Et c'est une très bonne chose, après tout. Tu es vraiment dans un... Dans un cercle vertueux, travailler avec des plantes, ne pas tester sur des animaux. Et, enfin voilà, mais c'est une bonne chose de souligner ces initiatives locales. Ça fait 3 ans que tu fais ça, après tout, donc c'est bien et c'est que ça marche. Hein, c'est très important de le souligner encore une fois, ça y est, je vais me répéter. On arrive déjà à la fin de l'émission, hein, donc on va peut-être tout doucement donner tes coordonnées. Ah oui, je rappelle aussi aux auditeurs qu'il est tout à fait possible de commander tes cosmétiques via internet sur ta page, hein, www.lemillepertuis.com. Ça s'écrit comme la plante, hein, tout attaché. Et tu as aussi une page Facebook, Le Millepertuis, donc encore une fois le nom de la plante, vu que c'est le nom de ton entreprise. Et tu as dit que tu es du côté de Bruyères, donc si quelqu'un a envie de passer te faire un coucou, quelle est l'adresse à laquelle il peut te trouver ? C'est le 24 rue L'Étang Labbé, à Grandvillers, 88-600, le code postal. Voilà. Et j'imagine peut-être que ton entreprise a un numéro de téléphone, hein ? Oui, le 06 85 90 92 35. Donc ça, c'est pour le Millepertuis. Je vais déjà faire maintenant le programme de la soirée. Et si tu as un dernier mot à adresser aux auditeurs, je peux te laisser le dire une fois que j'ai fini le programme de la soirée. Mais, on y arrive. Donc, la prochaine émission, c'est à 20h. Il s'agit de Jukebox, hein, jusqu'à 22h. Puis de 23h à minuit, c'est Rock à la Casbah. Et la prochaine émission, c'est de demain matin de 7h à 8h, la rediffusion de L'Heure des Loups que vous venez d'écouter à l'instant avec Valérie du Millepertuis. Et enfin, la dernière chronique BD de Camille avec enfin à 8h30 la matinale de Marion qui vous donnera le programme du reste de la journée de vendredi. On se retrouvera demain pour l'émission Billets de sortie, bien entendu. Donc, L'Heure des Loups sera, je le rappelle à nouveau, dédié aux sorties du week-end. Donc si vous avez une info à faire passer ou si vous voulez savoir ce qui va se passer ce week-end dans le secteur, c'est par ici que ça se passe. Valérie, merci beaucoup de ta participation. Je ne sais pas si tu as une dernière chose à adresser à nos auditeurs. Eh bien non, rien. Il y a eu pas mal de choses de dites, donc je crois qu'on a fait le tour. Je voulais te remercier, Lou, pour l'invitation. Et puis, pourquoi pas une prochaine Ah oui, ce sera avec plaisir. Émission. Ce sera avec plaisir. Bah, merci encore d'être venu et de m'avoir un petit peu ouvert les portes de ton entreprise dédiée aux plantes. Alors à une prochaine, j'espère. Je te souhaite beaucoup de courage dans ton activité. Merci. Et aux auditeurs, merci beaucoup d'avoir suivi l'émission. On se retrouve demain, même heure, sur Radio Gémozo. Mais en attendant, bonne soirée à tous.